15. 1. La rue est barrée après le croisement. 2. Il travaille trop. 3. Ce riz est très bon. 4. Ce camion est mal garé. 5. Je crois que Ronan est à Rennes. 6. Sophie vient de Namur. 7. Ils se sont vus au bar. 8. Elle est caissière. 9. Elle adore dormir. 10. C'est une bonne performance artistique.